Chapitre 17e. Le lendemain, dans la matinée, Paul, sortant du bureau du télégraphe, rencontra la comtesse et sa fille dans le petit jardin aux fleurs tristes. « Je viens, dit-il, de télégraphier à Paris ma très prochaine arrivée. » Claire lui tendit la main. Ce fut toute sa réponse. « Auparavant, continua Paul, j'avais vu mon médecin. L'exéate est signé. Je pars demain matin. Mais plus par le Marcado cette fois, soyez tranquille. Je m'en vais par le chemin des Dames, Salin, Cabas et les Eaux Chaudes. À Pau, je m'arrête un jour par ordonnance du docteur. C'est prudent, fit Claire. Il va sans dire, n'est-ce pas, que nous ferons la route ensemble. Les mêmes voitures nous serviront et j'aurai encore une fois le plaisir de voir ma jeune amie Marthe caracoler sur son mulet en passant la montagne. Dans d'autres occasions, cette perspective eût fait sauter de joie la jeune écuyère. Mais il était aisé de voir que l'idée du départ la navrait. Assise sur un banc, elle caressait, sans rien dire, un superbe chien des Pyrénées qu'elle avait pris en affection et qui la suivait dans ses promenades. Madame de Chalonne, après une seconde réflexion, répondit à Paul. « Je crois que je vous laisserai partir seul. Demain, c'est un peu tôt pour moi et je pense... Mais vous m'annonciez hier soir votre départ pour aujourd'hui même. » « C'est vrai, » dit la comtesse avec volubilité. Je ne songeais pas alors que ma fille continue ici son traitement de Cotteret. Les eaux de Panticosa font merveille et ce serait folie d'interrompre une seconde fois la cure. Voyez cette petite, quel air de santé. Depuis que nous sommes arrivés, elle dévore. Marthe, sous prétexte de caresser son ami le chien, approcha ses lèvres de la grosse tête frisée et murmura tout bas. Mon pauvre Bramatuero, je ne dévore plus, bah, si tu savais. J'ai laissé tout à l'heure la bonne moitié de mon chocolat. Mais il ne faut pas le dire. » Bramatuero n'eut garde de parler. Il était digne de faire sa partie dans ce quatuor où chacun semblait avoir juré de se taire. Paul, très déconfit d'apprendre qu'il voyagerait seul, garda le silence lui aussi. Jusqu'à midi, les instants passèrent à faire le tour des boutiques où l'on vendait des produits de l'industrie locale. Des cadeaux furent échangés entre les trois compagnons. La comtesse ne voulut recevoir qu'un chapelet en pierre des Pyrénées, de quelques pesetas. Par contre, l'enfant dut accepter une superbe mantille de 10 louis. « Qu'en feras-tu ? » demanda la mère. « Elle est 20 fois trop belle pour toi. »« Eh, maman, je vous la prêterai. » Aussitôt dit, aussitôt fait. La comtesse ne quitta plus de la journée la riche dentelle blanche, qui en faisait une seigneura dangereuse à voir, même pour des malades mieux guéris que Paul. Celui-ci fut gratifié d'une canne par la mère et par la fille d'un de ces animaux en bois, sculptés à lucerne, dont on fait à volonté des chamois ou des isards, selon qu'on retourne leur corne en avant ou en arrière. Ensuite, on alla déjeuner, car la cloche était sonnée, mais pour être juste, personne ne dévora. Vers 1 heure, on se mit en route pour une dernière promenade. Si vous n'êtes membre actif de l'Alpine Club, Panticosa ne vous offre pas le choix des promenades. Il n'y en a qu'une. On reprit donc les bords du lac dont les eaux, ce jour-là, étaient presque bleues, tant le soleil avivait l'azur du ciel. À 200 pas des bains, les promeneurs furent rejoints par une vieille qui regagnait le bas de la vallée, chassant devant elle un âne microscopique. L'animal libre de tout fardeau s'en allait tranquillement, ne trouvant pas le moindre chardon pour le distraire de ses réflexions philosophiques. Sans doute, il se demandait par quelle ironie du sort il lui fallait, chaque jour, gravir la côte écrasée sous le faix, tandis qu'il ne portait aucun poids pour la descendre. Il avait compté cette fois sans la jeune Marthe, dont la vue de cet humble coursier réveilla les instincts aventureux. L'âne reçut un chargement comme il n'en connaissait guère et partit au trot, bâtonné vigoureusement par la vieille, qui flairait une aubaine. Bramatuero galopait en avant avec des coups de gueule qui remplissaient d'écho l'étroite vallée. Pour la première fois de leur vie, sans excepter le jour où ils avaient conclu si laborieusement la vente d'un tableau, la comtesse de Chalonne et Paul de Chérency se trouvaient complètement seuls. « Quelle chère créature que cet enfant » dit-il, choisissant d'instinct le seul sujet qui ne leur imposa aucune contrainte. « Vous ne savez pas combien je l'aime et combien je l'aimerai toujours. Je l'espère bien. Ce sera d'ailleurs avant peu de temps votre devoir puisque vous deviendrez son oncle. » « Son oncle, » répéta machinalement Paul. « Oui, ou quelque chose d'approchant. Eh bien, je crois en effet qu'il existe entre vous deux une affection plus qu'ordinaire. J'observais cet enfant hier soir, tandis qu'elle jouait avec vous. Ses yeux rayonnaient de tendresse. Alors, savez-vous ce que j'ai pensé ?»« Non, » répondit Chérency, qui n'était pas pour le moment l'homme des longues phrases. « J'ai pensé qu'en me faisant venir à Pentecosa contre toute prévision, Dieu devait avoir un but, et que ce but était de donner à cet enfant un protecteur fidèle. Pauvre petite, elle est tellement seule dans la vie. Seule, avec une mère comme vous. La meilleure des mères n'est qu'une femme, c'est-à-dire quelque chose d'étrangement faible. Restez toujours l'ami de Marthe, vous qui êtes si bon et si fort. Restez son ami dévoué, même quand les mauvais jours seront passés, quand le bonheur... Le bonheur !» s'écria Paul en s'arrêtant sur place. « Mais de quoi êtes-vous donc faite si vous pouvez croire qu'il n'existera jamais pour moi ?»« Mon Dieu !» gémit Claire en se tordant les mains. « Avais-je mérité d'entendre cette parole ? Voilà donc l'avenir qui t'attend, ma pauvre Nadia. Sans lui perdu, avec lui malheureuse à tout jamais, peut-être. » Malheureuse ? Oh non ! Que le présent vous éclaire sur l'avenir. Il y a 10 jours, malgré vos conseils, vos prières, je fuyais loin de Paris. Vous m'avez dit hier soir 3 mots, Nadia libre, et je pars. Je foule aux pieds tout le reste. J'accours payer la dette sacrée, donner mon nom, ma vie tout entière. Si vous n'êtes pas satisfaite, madame, je vous trouve difficile. Ah, que vous êtes loin du pardon. Vous voulez dire de l'oubli, car j'ai pardonné dès la première minute. Pardonner, ce n'est rien. C'est ensevelir ses morts, après la nuit tombée, sur le champ de bataille. Les ressusciter, fermer les blessures, rattacher les membres au corps mutilé, voilà ce qui serait l'oubli. Le Christ a pardonné le calvaire, il ne l'a pas oublié. La croix qui s'élève partout pour en faire souvenir le genre humain en est la preuve. Est-il possible qu'une seule minute ait laissé dans votre cœur un tel flot d'amertume ? Une minute, mais quelle minute ! Celle qui m'a oublié pendant 7 minutes ne peut me faire le reproche d'avoir donné durant 5 ans l'ombre de ma pensée à une autre. Et pendant ces 5 ans, croyez-vous que je n'ai pas frôlé souvent le vice agréable ou la vertu facile, plus attrayante encore ? Mais ni mes oreilles, ni mes yeux ne m'appartenaient plus. Pour elle, au contraire, quelques semaines d'assiduité, quelques manœuvres vulgairement habiles ont suffi. On m'a chassé, dépossédé, renié comme un indifférent, comme un serviteur indigne. Erreur d'une minute. Mais pendant 7 minutes, un autre a pris ma place. Il était le maître acclamé, moi, le souverain détrôné et mis en fuite. Allez, dit Claire. Bien des souverains voudraient aujourd'hui n'avoir pas connu d'exil plus long. Quelle femme eut jamais un élan plus sincère, un retour plus rapide? Si vous saviez comme elle souffre, comme elle pleure, comme elle maudit l'instant fatal, avec quelle ferveur tremblante elle vous adore. Ah, si j'étais homme! Je voudrais avoir éprouvé ainsi celle que j'aime. Que pouvez-vous craindre désormais ? D'elle, rien, je le crois, j'en suis sûr, mais de moi-même. Demain, à cette heure-ci, j'aurai repassé les montagnes qui m'ont séparé pendant 10 jours du reste du monde et du reste de ma vie. Dans quelques mois, sans doute, j'aurai scellé ma destinée. Aurais-je aussi bien fermé la porte à certains souvenirs trop doux, ceux-là ? Aurais-je oublié la noble femme sans laquelle je serais mort ? « Oh, quant à cela, » répondit Madame de Chalonne en essayant de sourire, « vous savez bien que je vous ai soigné par procuration. C'est Nadia seule qu'il faut remercier. Elle vous a guéri par la main d'une autre. Plaignez-la, s'il en est ainsi, que le sort ait choisi trop bien la main qui remplaçait la sienne. Elle y gagne au moins de ne pouvoir plus être condamnée par vous, comme la seule dont la mémoire est des absences, » dit Claire. Et tandis que son compagnon, sans répondre, baissait la tête, « Marthe » cria-t-elle à sa fille, « tu t'échauffes trop, laisse ton âne et reviens près de nous. » L'enfant obéit. L'âne, attiré par son écurie, s'engagea, sans plus attendre, dans les raccourcis pierreux qui le ramenaient au village. La vieille enfouit son gain dans sa poche et, désireuse d'une autre rencontre semblable, « Pour la mañana » s'écria-t-elle en se retournant une dernière fois. « Demain !» répétait Paul et anéanti. Un mouvement de tête acheva la phrase, et les promeneurs, faisant volte-face, reprirent le chemin de l'établissement, presque sans parler. Chérency rentra chez lui pour préparer ses bagages. Marthe alla retrouver sa bonne. La comtesse gagna la petite église aux murs blancs, aux enluminures criardes, et dans ses doigts, le chapelet donné par Paul le matin même roula longtemps. Le soir, Claire fit dire qu'elle se sentait fatiguée, qu'elle dînerait dans son appartement et qu'elle priait le voyageur de recevoir ses adieux. Celui-ci, par la même voie, fit porter les siens à la mère et à la fille. Il dîna fort mal et ne dormit pas mieux. De bonne heure, le lendemain matin, la voiture l'attendait. Il surveilla le chargement de son bagage, tout en dirigeant un regard abattu vers une certaine fenêtre, dont les volets paraissaient fermés. Il venait cependant de s'entrebâiller d'une fente imperceptible, à peu près en même temps et avec la même précaution que leur voisin. Le voyageur venait de serrer la main de l'excellent seigneur Kando, en le remerciant encore d'avoir visité si à propos de sa poche un certain soir. Le cocher n'attendait plus qu'un ordre pour fouetter son attelage. Il n'y avait plus aucun prétexte pour ne pas partir, et cependant Paul ne partait pas, espérant toujours une dernière parole, un dernier signe de Claire. « Est-il possible qu'elle ait résolu de ne pas se montrer ?» pensait-il. « Comment ne devine-t-elle pas combien je souffre, quelle nuit j'ai passé ? Me punir avec cette rigueur pour quelques paroles que je n'ai pu retenir ? Que craint-elle ? Tout est fini maintenant. Je la connais. Je sais qu'elle est sans reproche et sans faiblesse. Mais qu'aurait-elle perdu à me laisser voir ? Un peu de cette tendre pitié qui comprend la faiblesse des autres. » Il était inutile d'attendre plus longtemps. Déjà, le voyageur avait la main sur la portière quand il aperçut à quelques pas le fidèle compagnon de sa promenade de la veille. « Dieu vous garde de faire connaissance avec certaines minutes sombres où la caresse muette, le regard mouillé d'un chien deviennent une consolation précieuse. » Paul traversait une de ces heures d'amertume. « Viens, Bramatuero, appela-t-il. En deux bonds, l'animal fut près de lui. Alors, prenant la grosse tête dans ses mains, le voyageur mit ses lèvres sur le poil rude. « Toi, dit-il tout bas, tu la reverras tout à l'heure. » Tels furent, à défaut d'autres, ses adieux à Panticosa. Une seconde plus tard, il était en route, et les maisons blanches, le petit jardin avec ses sourbiers aux grappes de corail, le lac aux eaux grises disparaissaient successivement. Pendant ce temps-là, celle qu'il était bien près de maudire pour sa froideur pleurait à chaudes larmes, en suivant des yeux la voiture qui s'éloignait. Claire n'avait plus besoin de lutter à cette heure. Elle n'était plus obligée de se montrer froide, inexorable et dure. Elle se tenait debout derrière ses volets, dans la grande chambre où, depuis la veille au soir, la lampe ne s'était pas éteinte. Elle était bien belle alors, belle d'un genre de beauté que personne ne lui soupçonnait. Les tresses d'ébène de son front s'appuyaient sur son bras superbe. Une de ses mains pressait sa blanche poitrine en désordre. Tout son corps frémissait, à peine voilé par l'étoffe légère du manteau de nuit dont elle s'était couverte à la hâte. Elle semblait une admirable statue vivante, mais non plus la statue du devoir, à moins que ce ne fût le devoir vaincu par l'amour et cachant sa défaite. Une heure après, Madame de Chalonne, encore pâle mais aussi calme que jamais en apparence, traversait le petit jardin et gagnait le bureau de l'administrateur des bains. Quand elle en sortit, Bramatuero était à elle. « C'est un caprice de ma fille, » avait-elle dit, comme pour excuser cette acquisition encombrante. L'enfant n'était pas là pour réclamer et pour se plaindre qu'on ajoutât des caprices imaginaires à tous ceux qu'elle avait en effet.